الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication du livre يعني de رياض الصالحين du شيخ de l'imam النووي avec les commentaires de شيخ صالح ابن محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. Au dernier cours, on est toujours dans le chapitre à propos de l'ikhlas, la sincérité et la pureté d'intention. Et au dernier cours, on a commencé à expliquer le hadith numéro 8 dans le livre. Et le hadith numéro 8, c'est un hadith qui est très important. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté selon Abi Huraira, Abdurrahman ibn Sakhrin, radiyallahu anhu, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas vos corps, il ne regarde pas votre apparence, mais ce qu'il regarde, c'est vos cœurs et vos actions. D'accord? Donc, ce hadith est rapporté par l'imam muslim. On a commencé à expliquer le hadith. Et comme je disais, c'est un hadith très important. Ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui détermine la valeur d'une personne? En réalité, c'est sa piété. C'est sa piété, ses actions, ses paroles, sa foi. C'est ça qui donne la valeur d'une personne et non pas sa classe sociale, son statut, son poste, son argent, sa tribu, son origine, son pays, sa couleur, sa langue ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est secondaire. Le cheikh, au point où on est arrivé la dernière fois, on s'est arrêté. Et là, le cheikh, il dit, وَإِذَا كَانَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَكَانَ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنَّتِهِ يُؤَكِّدَانِ عَلَى إِصْلَاحِ النِّيَّةِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يُصْلِحَ نِيَّتَهُ وَيُصْلِحُ قَلْبَهُ وَيَنْظُرُ مَا فِي قَلْبِهِ مِنَ الشَّكِّ فَيُزِيلُهُ إِلَى الْيَقِينِ كَيْفَ ذَلِكَ يكون ذلك بنظره إلى الآيات قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون فأنت تنظر في آيات الله. Donc le cheikh il explique que si par exemple quelqu'un il regarde dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il va constater que dans ces deux références de la religion, il y a ce qui vient confirmer l'importance de réparer ou de corriger notre intention. Et ça, c'est une obligation de faire en sorte que notre intention soit corriger, soit purifié, pour que tout ce qu'on fait soit purement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tout ce que quelqu'un va faire de la religion, s'il ne le fait pas purement pour Allah, il n'aura aucune récompense dans l'au-delà. Donc ça veut dire que c'est pas important, par exemple, si quelqu'un il fait beaucoup d'actions, beaucoup d'adorations, beaucoup de bien, et qu'il le fait uniquement pour se faire voir, ou bien dans le but de recevoir des éloges, ou bien dans le but que les gens disent de lui qu'il est généreux, ou qu'il est pieux, ou qu'il est bon. Tout ça, au jour de la résurrection, ça ne va rien faire pour lui. Il ne sera pas récompensé pour ça. Et même que si quelqu'un, par exemple, il a du shirk dans ses actions, donc, par conséquent, le résultat de toutes ses œuvres seront vaines. Tout ce qu'il a fait comme action, même si c'était équivalent à des montagnes de bonnes œuvres, tout ça, ça devient de la poussière, éparpillée par le vent. Donc, c'est important d'avoir à l'ikhlas et de corriger, de purifier notre intention. Et si quelqu'un, par exemple, il a des doutes dans son cœur, alors il doit effacer ou bien éliminer ce doute qu'il a dans le cœur et le remplacer par de la certitude, de la conviction. Et comment il peut arriver à obtenir cette conviction? Eh bien, le cheikh, il mentionne des exemples pour y arriver. Donc, il dit, par exemple, que l'être humain, il doit observer et méditer sur les signes que Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans la création. Et il donne comme exemple le verset 190 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ce sont c'est une série de versets à la fin de la Surat qui sont extrêmement importants, puis en même temps ils sont très très beaux. Quand tu lis ces versets-là, ça fait vraiment réfléchir et ça fait vraiment, ça touche le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie dans ces versets, certes, dans la création des cieux et de la terre et dans la succession du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui détiennent la raison. Et dans le verset 3 et 4, dans Surat Al-Jathiyah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, certes, dans les cieux et la terre, il y a des signes pour les croyants. Et dans votre création et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a propagé ou a dispersé sur terre, comme animal ou comme bête, il y a des signes pour des gens qui ont la certitude. Donc tu regardes dans les signes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et ça va augmenter ta certitude, ça va faire augmenter ta foi. Et il dit, وَإِذَا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِكَ الشَّكَ فَانْظُرْ فِي آيَاتِ اللَّهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا الْكَوْنِ مَنْ يُدَبِّرُهُ انْظُرْ كَيْفَ تَتَغَيَّرُ الْأَحْوَالُ كيف يداول الله الأيام بين الناس حتى تعلم أن لهذا الكون مدبرا حكيما عز وجل الشرك طهر قلبك منه كيف أطهر نفسي منه أطهر قلبي بأن أقول لنفسي إن الناس لا ينفعونني إن عصيت الله ولا ينقذونني من العقاب وإن أطعت الله لم يجلب إلي الثواب فالذي يجلب الثواب ويدفع العقاب هو الله إذا كان الأمر كذلك فلماذا تشرك بالله عز وجل ولماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق ولهذا من تقرب إلى الخلق بما يتقرب به إلى الله ابتعد الله عنه وابتعد عنه الخلق يعني لا يزيده تقربه إلى الخلق بما يقربه إلى الله إلا بعدا من الله ومن الخلق لأن الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس وإذا سخط عليك أسخط عليك الناس نعوذ بالله من سخطه ومن عقابه المهم يا أخي عالج القلب دائما كن دائما في غسيل للقلب حتى يطهر كما قال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فتطهير القلب أمر مهم جدا أسأل الله أن يطهر قلبي وقلوبكم وأن يجعلنا له مخلصين ولرسوله متبعين. Donc le cheikh il explique que lorsque le shaitan il jette des doutes dans ton cœur, regarde les signes d'Allah, regarde la création d'Allah, regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et regarde comment il gère cette création, comment il contrôle cet univers et comment les choses, les situations dans ce monde, comment les situations changent. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait que d'un jour à l'autre, les gens, comment ils se transforment, comment ils changent, comment les choses évoluent. Et analyse tout ça à la lumière de la foi, à la lumière de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et tu vas comprendre avec certitude que cet univers, il est contrôlé par un Seigneur, par un Seigneur qui est tout-puissant et sage. Et donc, ça va faire en sorte que tu obtiennes la certitude et la conviction et la foi. Et également, s'il y a un shirk quelconque que tu fais ou qu'il y a dans ton cœur une forme quelconque de shirk, ou de ria, d'ostentation, alors essaie de purifier ton cœur. Et comment tu peux arriver à purifier ton cœur de ce shirk? Eh bien, le cheikh, il dit, je purifie mon cœur en disant à moi-même, les gens ne pourront pas me profiter si je désobéis à Allah. Les gens ne pourront pas me profiter, me faire un bien quelconque si je désobéis à Allah. Le cheikh, il dit, je purifie mon cœur en me rappelant et en me disant à moi-même que si je désobéis à Allah, Hein? Les gens ne pourront pas me profiter ou me faire un bien quelconque. Et si je désobéis à Allah, ils ne pourront pas non plus me sauver du châtiment d'Allah au jour de la résurrection. Tandis que si j'obéis à Allah, ils ne vont pas non plus pouvoir me donner une quelconque récompense pour quoi que ce soit des bonnes choses que j'ai faites. Hein? Donc, si tu fais quelque chose pour plaire à quelqu'un, autre que Allah, parmi les adorations que tu fais pour Allah ou qu'on devrait faire pour Allah, au lieu de les faire pour Allah, toi, tu les fais pour plaire à quelqu'un ou tu les fais pour satisfaire quelqu'un, cette personne-là ne pourra pas te sauver du châtiment et elle ne pourra pas non plus te récompenser pour quoi que ce soit de ce que tu as fait. Donc, sois sincère envers Allah, purifie ton cœur du shirk. Celui qui va te donner la récompense au jour de la résurrection, c'est Allah seulement. Et celui qui va te protéger du châtiment, c'est Allah seulement. Donc, pourquoi tu vas faire du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et pourquoi dans ton adoration, tu auras l'intention de te rapprocher de quelqu'un parmi les créatures? Hein? Celui qui se rapproche d'une créature, en réalité, au lieu de se rapprocher d'Allah et qui fait des actes d'adoration pour plaire aux hommes et aux créatures, en réalité, il ne fait que s'éloigner d'Allah. Et il ne fait que s'éloigner des créatures aussi. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que les gens vont s'éloigner de lui et ne vont pas être satisfaits de lui. Et donc le cheikh, il dit, le fait que tu te rapproches des créatures par ce que tu fais pour, yani par ce qu'on fait habituellement pour se rapprocher d'Allah, toi tu le fais, au lieu de le faire pour Allah, tu le fais pour les créatures, eh bien ça ne va faire que de t'éloigner d'Allah et des créatures. Et si tu cherches l'agrément d'autre que Allah, hein, tu vas obtenir la colère d'Allah et la colère des gens en même temps. Donc, si pourtant, au contraire, dans la réalité, si tu cherches la satisfaction d'Allah et tu cherches à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala seulement, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de toi et il va faire en sorte que les gens aussi soient satisfaits de toi. Hein? Donc ça, c'est le résultat. Combien de fois, par exemple, tu vois, les gens cherchent à satisfaire les autres, à faire plaisir aux autres. Et comme on dit dans le dicton qui dit, yani, que tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le plus important, ce n'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est de plaire à Allah. Et qu'est-ce qui arrive si, par exemple, en voulant faire plaisir à Allah, eh bien, tu mets en colère les créatures d'Allah? Alors, tu donnes précédence à quoi? Est-ce que tu vas donner précédence à l'agrément des créatures ou à l'agrément du Créateur? Eh bien, ça, c'est le test, en fait. C'est ça, le test, pour savoir si tu vas réussir ce test ou non. Quand tu as un conflit dans ton cœur entre le fait de chercher la satisfaction et l'agrément des hommes ou des créatures et l'agrément d'Allah dans le fait de suivre ce qu'Allah a ordonné dans le Coran et ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné dans la sunna et le fait de faire plaisir aux gens ou de faire en sorte que les gens soient contents de toi, donne toujours la priorité et la précédence à ce qui amène l'agrément d'Allah sur la satisfaction des créatures. Parce que les créatures, comme le cheikh il le dit, les créatures ne pourront rien faire pour toi au jour de la résurrection. Hein? Ils ne pourront pas te protéger du châtiment d'Allah. Et en plus de ça, ils ne pourront pas te récompenser pour quoi que ce soit, hein, si ils ont été satisfaits de toi. Donc ça, c'est extrêmement important. Des fois, les gens, ils disent, sois toi-même. Souvent, les gens, ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire de dire ce genre de paroles-là. Hein? Moi, je suis moi-même, je n'essaie pas d'être comme les autres, ou de satisfaire les autres, ou des choses de ce genre. Et puis, quand tu réfléchis à ça, tu te dis à toi-même, ou tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'est être moi-même? Hein? Qu'est-ce que c'est être moi-même si tu n'as pas de référence? Hein? Donc, tu vas voir, par exemple, une personne qui dit, ah, Moi, je n'imite pas les autres, je suis personne, je suis moi-même. Hein, j'essaie pas d'imiter quelqu'un ou de faire comme les autres. Mais le plus important, c'est de suivre l'exemple des messagers d'Allah, et en particulier du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et si d'être toi-même, ça implique de désobéir à Allah, alors là, il y a un problème. Parce que ça, c'est pas ce que Allah désire ou ce que Allah veut de nous. Hein? Il y en a qui disent, ah, moi, c'est comme ça que je suis. Hein? Moi, je suis comme ça. Je peux pas changer. C'est ma personnalité. C'est comme ça que je suis. Alors qu'en réalité, on est ce qu'on veut être, et en même temps, on devrait toujours faire l'effort d'être le meilleur de ce qu'on peut être, et pas être satisfait de ce qu'on est actuellement. Parce qu'il y a toujours de la place dans notre religion pour devenir meilleur. Il n'y a pas une situation ou un point où tu vas dire, là où je suis maintenant, je suis bien. Je n'ai pas besoin d'être meilleur ou d'essayer d'être meilleur. Si tu as cette mentalité-là, ça veut dire qu'il y a un grand problème dans ta compréhension de l'islam. Il y a un grand problème dans ta religion, dans ta compréhension de la religion. Si tu penses que là, ça y est, parce que tu as appliqué certains aspects de la religion, tu as mis en pratique certaines parties de la religion ou certains aspects de la sunna, puis tu penses que tu as atteint le plus haut degré dans la religion, puis que tu n'as plus d'amélioration possible, ça c'est parce que tu n'as pas compris comme il faut la religion. Il y a toujours un moyen de s'améliorer. Il y a toujours quelque chose de plus à faire pour être meilleur. Donc ça c'est très très important. Après, le cheikh, il explique que, donc si tu veux te rapprocher d'Allah, tu te rapproches d'Allah, et même si ça va faire en sorte que les gens vont être en colère contre toi ou fâché contre toi, c'est pas grave. Laisse-les être fâchés contre toi. Laisse-les se mettre en colère contre toi. Parce que ce qui est plus important, c'est l'agrément d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, c'est quoi le verset? وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Tu ne pourras pas, hein, ils ne seront pas satisfaits de toi. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Hein? Donc ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il avertit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur disant, yani, ils ne seront jamais satisfaits de toi, les juifs et les chrétiens. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de musulmans essayer de satisfaire les juifs et les chrétiens, hein? Ou les koufars en général. Ils essaient toujours de les satisfaire dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser, dans tout ce qu'ils font dans leur société ou dans leur système. Il y a des musulmans qui veulent les suivre à tout prix, les imiter et essayer de faire comme eux. Et on le voit maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans et même dans les pays non musulmans aussi. Des koufars qui veulent absolument mettre de la pression sur les musulmans pour que les musulmans abandonnent la pratique de l'islam ou certains aspects de l'islam. Et il y en a parmi les musulmans, à cause de la faiblesse de leur personnalité ou de leur complexe d'infériorité, ils veulent à tout prix essayer de être complaisants et de transiger avec eux dans leurs requêtes ou dans leurs demandes. Parce que eux, ils n'aiment pas certains aspects de l'islam, parce que c'est en contradiction avec leurs passions et leurs désirs. Alors, ils veulent nous forcer à nous assimiler avec eux. Et donc, c'est pour ça que le musulman, il doit faire preuve de fermeté et de force de caractère et de personnalité, et de rester ferme sur ses principes et de leur dire non. Leur dire non. Hein? Parce que c'est qui est-ce qui nous a créés? C'est Allah. L'air qu'on respire tous les jours, à chaque respiration, qu'on inspire de l'air, qu'on expire de l'air. À chaque fois qu'on fait ça par jour, combien de fois on respire par jour? Combien de fois on respire par jour? C'est très dur à compter parce qu'il y en a beaucoup, on respire énormément de fois. Et à chaque fois qu'on respire cet air-là, c'est l'air que Allah nous a donné. Ce n'est pas les koufars qui l'ont créé, cet air-là. Hein? Et donc c'est à lui qu'on a des comptes à rendre, ce n'est pas à eux. Et au jour de la résurrection, ce sera à Allah qu'on aura des comptes à rendre et non à eux. Et eux, Allah va leur demander des comptes aussi. Donc, il faut vraiment être ferme sur ces questions-là, inshallah. Donc, le cheikh, il dit, al-muhim, donc l'important, mon frère, c'est de savoir que tu dois remédier à ton cœur. C'est le plus important. Yani, le cœur, c'est la base et c'est le centre. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé avec les compagnons, il leur a dit, yani, al-taqwa hauna, al-taqwa hauna, al-taqwa hauna. Ala wa inna fil jasad mudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Le cœur, il a dit, s'il y a un morceau dans le corps, s'il n'est pas bon, le reste sera pas bon, et s'il est bon, le reste sera bon. Il a dit, c'est le cœur. Il a dit, la piété c'est ici, la piété c'est ici, la piété c'est ici. La base, c'est le cœur. Si quelqu'un a un problème dans son cœur, le reste il va avoir un problème aussi. Hein? Ton adoration, elle commence par le cœur. Si tu as un problème dans ton cœur et dans les adorations du cœur, ça va se manifester dans les actions. Ça va se manifester aussi dans les paroles. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala même, il nous a mentionné à propos des munafiqines que leur nifaq, il se manifeste dans leurs paroles. Il dit « Wala ta'rifannahum fi lahn al-qawl » Hein? Tu vas les reconnaître par l'expression de leurs paroles, parfois des choses qu'ils laissent sortir sans faire exprès. Hein? Parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour cacher leur nifaq, pour cacher leur hypocrisie. Mais parfois, malgré eux, en parlant, ils s'échappent et ils laissent sortir des expressions qui indiquent des problèmes dans le cœur, des problèmes dans la foi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit même dans un verset que yani, à propos de certains parmi les munafiqin et parmi les kuffar, ulaika alladhina lam yurid Allahu an yutahhira qulubahum. Ceux-là sont ceux pour qui Allah n'a pas voulu purifier les cœurs. À cause de leurs péchés, à cause de leur désobéissance, à cause de leur transgression, à cause de leur acharnement dans le mal. Donc, le cheikh, il dit, tu dois toujours nettoyer ton cœur. Et le fait de purifier ton cœur, ce n'est pas une chose que tu fais une fois, puis après c'est fini. Comme si tu dis, ah, je me suis purifié mon cœur la semaine passée ou l'année passée, ça y est. Je suis toujours pur maintenant. Non. Le cœur, il se salit constamment. Le cœur, il se souille constamment, dans le sens que chaque fois que tu commets un péché, chaque fois que tu vois quelque chose, que tu entends quelque chose qui est mauvais, ou que tu fais quelque chose qui est mauvais, le cœur, il se souille, le cœur, il se salit, le cœur, il se rouille. Hein? C'est comme Ar-Ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Les ulama, ils ont expliqué, comme c'est mentionné dans le hadith, chaque fois que quelqu'un commet un péché, il y a une tâche qui se fait sur son cœur. Jusqu'à ce que le cœur devienne complètement couvert, s'il ne se repent pas. Donc le cœur, ce n'est pas un travail unique, une fois que tu le fais, puis c'est fini. Non, c'est un travail constant. C'est un travail constant jusqu'à la mort. De toujours essayer de le nettoyer tout le temps. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à purifier ton cœur. Ulaika alladhina lam yurid Allahu an yutahhira qulubahum. Donc de purifier le cœur, c'est une chose très importante. Et donc le cheikh, il termine avec un doua. On demande à Allah qu'il purifie mon cœur et vos cœurs et qu'il nous mette parmi ceux qui sont sincères et purs envers lui et qui suivent son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, c'est le hadith numéro 9 dans le premier chapitre de Al-Ikhlas. Il dit wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari radiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Donc c'est un hadith rapporté par Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, son nom c'est Abdullah ibn Qais. radiallahu anhu. Il dit, on a demandé la question au messager d'Allah à propos de l'homme qui combat pour montrer son courage. Shuja'atan. Ou bien, yuqatilu hamiyatan. Hamiyatan, c'est-à-dire par fierté. Il combat par fierté pour sa tribu, ou bien pour son peuple, ou pour sa nation, ou pour son honneur. Wa yuqatilu ria'an. Celui qui combat dans le but de se faire voir. Hein? Il veut montrer, regardez comment moi je n'ai pas peur, je suis fort. Est-ce que ça c'est... Lequel de ceux-là est en train de lutter ou de combattre dans le sentier d'Allah? Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, celui-là c'est celui-là qui est dans le sentier d'Allah. Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est celui-là qui combat dans le sentier d'Allah. Pourquoi ça c'est important? Parce que toutes nos actions doivent être pures et uniquement pour Allah, sincèrement pour Allah. Et donc ça veut dire que parmi les plus grandes formes d'adoration, il y a le djihad, fi sabilillah, fait de lutter et de combattre pour élever la parole d'Allah. C'est possible que certaines personnes, ils font cette adoration-là sans avoir une sincérité dans leur cœur. Et par conséquent, ces gens-là n'auront aucune récompense pour ce djihad. N'auront aucune récompense pour ça. Ce ne sera pas considéré pour eux comme une action qu'ils ont faite qui était pour Allah. Donc, ils n'auront rien pour ça. Au contraire, même ils vont être châtiés pour ça. Et même il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne qu'au jour de la résurrection, il y a l'homme qui va venir devant Allah et qui va dire, « Ya Allah, j'ai combattu pour toi. » Et j'ai fait couler mon sang dans ton chemin, hein, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, non, tu as combattu pour que les gens disent que tu es fort, que tu es courageux. Et c'est ce que les gens ont dit. Alors il va être jeté dans l'enfer, hein, la face la première. Ce qui nous rappelle ou qui nous ramène toujours à la base de al-ikhlas, la sincérité, innam al-a'mal ou bin-niyat, le fait de purifier notre intention, d'être certain que tout ce qu'on fait, c'est uniquement pour obtenir l'agrément d'Allah et pour son visage et pour avoir la récompense au jour de la résurrection. Donc le cheikh Salih, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il dit par rapport à ce hadith-là, il dit « Wa fi hadha al-hadith, wa fi lafz al-hadith » ou bien plutôt il dit « Wa fi lafzin lil-hadith » ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله قوله من قاتل لتكون في هذا إخلاص النية لله عز وجل وهذا الذي ساق المؤلف الحديث من أجله فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة شجاعة وحمية وليرى مكانه أما الذي يقاتل شجاعة فمعناه أنه رجل شجاع يحب القتال لأن الرجل الشجاع متصف بالشجاعة والشجاعة لا بد لها من ميدان تظهر فيه فتجد الشجاع يحب أن الله ييسر له قتالا ليقاتل ويظهر شجاعته فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال والثاني يقاتل حمية يعني حمية على قومية حمية يعني على قبيلة وحمية على وطن وحمية لأي عصبية كانت والثالث يقاتل ليرى مكانه أي ليراه الناس ويعرف أنه شجاع ف يعني عدل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك وقال كلمة موجزة ميزانا للقتال فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يعني عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذه الثلاثة ليكون أعم وأشمل لأن الرجل ربما يقاتل من أجل استيلاء الاستيلاء على الأوطان والبلدان يقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من هؤلاء القوم المهم النيات لها ما لها ما لها حد ما لها حد، ولكن هذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ميزان تام، يعني عدل، يعني ميزان تام عدل. ومن هنا نعلم أنه يجب أن تعدل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس. Ok, donc le cheikh il explique que dans le hadith, il a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné une réponse à une question. La question c'était à propos de trois types de personnes qui combattent. Un, il combat par, on a dit, pour montrer son courage. L'autre, par fierté, pour l'honneur de son peuple ou de sa tribu ou autre. Et l'autre pour montrer son statut ou sa place, son niveau ou son degré. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est détourné de ces trois choses. Il n'a pas mentionné rien de ces trois choses-là. Il a mentionné une règle générale pour utiliser comme une référence pour savoir quand est-ce que c'est un combat qui est fi sabilillah, quand est-ce que ce n'est pas le cas. Et le cheikh, il explique que celui qui combat pour montrer son courage, ça veut dire que c'est un homme qui est courageux, ça veut dire qu'il aime le combat. Il y a des gens comme ça. Et quand ils ont l'occasion de combattre, là, ils sont vraiment excités pour ça. Ils sont contents pour ça parce que c'est une occasion pour eux de montrer comment ils sont forts, comment ils sont courageux, comment ils savent bien se battre. Et donc, quand ils ont une occasion et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite qu'il y ait une guerre ou une occasion de combattre, alors eux, ils sont contents parce qu'ils veulent montrer leur courage. Al-Hamiya, comme on a dit, c'est celui qui combat par fierté pour l'honneur de sa tribu, de son pays, de son drapeau, de son peuple, ou pour une cause quelconque parmi ces exemples-là. Et l'autre pour montrer son statut, c'est-à-dire montrer sa place, soit par courage ou pour des choses comme ça. Et le cheikh, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu avec une parole qui est résumée et il s'est détourné de toutes les autres explications. Il a dit, celui qui a combattu pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. Et il dit, parce que des gens peuvent combattre pour toutes sortes de raisons. Il y en a des gens qui vont combattre, par exemple, pour prendre le contrôle sur un pays ou sur une ville. D'autres qui vont combattre parce qu'ils voudraient avoir du butin. Le butin, c'est quoi? C'est quand tu vas combattre l'ennemi, qu'est-ce que tu vas pouvoir tirer ou gagner du butin qui a été pris de l'ennemi, qu'est-ce qu'il a laissé. Donc ça va faire partie du butin. Ça veut dire que tu vas avoir ça comme récompense. Et si, par exemple, parmi le butin, il y avait des femmes, des femmes qui ont été prises comme prisonnières, ça veut dire qu'elles deviendront des esclaves. Alors, ça veut dire qu'eux, ils combattent pour pouvoir obtenir une femme esclave, parce qu'ils trouvent que les femmes de ce peuple-là sont des femmes qui sont belles. Il va dire, je vais aller combattre pour avoir une femme de ce peuple-là comme esclave. Donc, son intention, ce n'est pas pour Allah. C'est pour l'esclave ou c'est pour avoir une femme. Et il y a beaucoup d'autres intentions pourquoi quelqu'un peut combattre, pour de l'argent. Il y en a qui combattent juste pour obtenir de l'argent, ou bien pour avoir des terres, ou bien pour avoir quelque chose de la dunya. Ça, c'est pas fisabilillah. Donc, le cheikh, il explique, ensuite il dit, donc les intentions sont très importantes dans ce domaine-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette définition qui est générale, qui est complète et qui est juste. Et il dit ça nous explique qu'en même temps, il y a certaines expressions qui doivent être corrigées de ce que les gens disent aujourd'hui. Des expressions que les gens ont l'habitude de dire aujourd'hui et qui méritent d'être corrigées pour éviter justement de mal comprendre ou de mal définir la signification du combat dans le sentier d'Allah. Et donc le cheikh, il dit « Al-lahjatu lahjatan » لهجة قوم يقاتلون للقومية القومية العربية والقومي والقتال للقومية العربية قتال جاهلي ومن قتل فيه فليس شهيدا فقد الدنيا وخسر الآخرة لأن ذلك ليس في سبيل الله ولذلك على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفد منها شيئا اليهود استولوا على بلادنا نحن تفككنا دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار من النصارى وغير النصارى وخرج منها مسلمون من غير العرب فخسرنا ملايين العالم من أجل هذه القومية ودخل فيها قوم لا خير فيهم قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة. Donc la première expression, le cheikh il dit, qui est pas bonne, qu'on doit changer, c'est l'expression de ce qu'on appelle le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe. Et en réalité, c'est pas spécifique au nationalisme arabe. Toutes les formes de nationalisme sont condamnées en islam. Toutes les formes de nationalisme sont considérées en islam comme étant de la jahiliya, de l'ignorance. Ta'assub, du fanatisme pour un peuple, pour une langue, pour un territoire, pour une couleur, pour une nation. Ça fait partie de la jahiliya. Et nous, entre musulmans, on n'a pas le droit de s'attacher à ces choses-là. Et malheureusement, on le retrouve aujourd'hui. Certains musulmans qui appartiennent à certains pays, à certaines nations, à certaines ethnies, ils prennent cette ethnie ou cet attachement comme étant la source de tout leur honneur et de leur fierté et ils vont même aller jusqu'à dénigrer les autres musulmans qui ne font pas partie de cette ethnie-là ou à penser qu'ils sont meilleurs qu'eux ou à dénigrer les autres à cause de ça. Ce qui crée de la division entre les croyants. Et ça, c'est interdit en islam. Et donc, le cheikh, il donne un exemple en parlant du nationalisme arabe. Il dit, ceux qui se combattent ou qui combattent pour le nationalisme arabe, il dit, ça, c'est un combat équivalent à la jahiliya. Un combat qui est jahili. Comme les raisons pour lesquelles les Arabes, dans la période pré-islamique, combattaient. Combattaient, non pas pour Allah, mais pour leur tribu, pour leur fierté, pour leur honneur. Et le cheikh, il dit, celui qui est tué dans un combat comme celui-là, pour le nationalisme arabe, ou n'importe quel autre nationalisme, eh bien, il n'est pas considéré comme étant martyr. Pourtant, tu vois, par exemple, dans certains pays, il y a eu des guerres ou des combats, les gens ils disent, ça c'est l'endroit où il y a un million de shahids ou je ne sais pas combien. Et yani, si c'était pas pour Allah qu'ils combattaient, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'était des shuhada. Si c'était juste pour un drapeau ou pour un territoire ou pour une forme quelconque de nationalisme, là, ça, dans ce cas-là, ça ne va pas être pour Allah. Et il dit, celui qui est mort dans ce combat-là, il a perdu la dunya et l'au-delà. Et il dit, ça, ce n'est pas dans le sentier d'Allah. Il dit, malgré la force de ce qu'on trouve comme propagande en faveur du nationalisme arabe, et surtout dans les années 60, dans le passé, la da'wa pour la di'aya, c'est-à-dire toute la propagande qu'on faisait pour le nationalisme arabe à l'époque, c'était extrêmement fort. Et il dit, malgré tout ça, on n'a rien profité. Il dit, par exemple, quand les Juifs ont commencé à s'emparer de la Palestine et qu'ils ont commencé à coloniser la Palestine de plus en plus, les Arabes ont commencé à utiliser le slogan du panarabisme et de l'unité arabe et du nationalisme arabe pour essayer justement de booster la fierté des Arabes pour leur dire, écoutez, on est des Arabes, il faut se lever pour combattre les Juifs. au nom de l'arabisme, hein, au nom de la nation arabe, pas au nom de l'islam, pas au nom de la charia d'Allah, pas au nom de, ou dans le but d'élever la parole d'Allah pour qu'elle soit la plus haute, non. Juste parce qu'on est arabe et parce qu'on doit défendre l'honneur des arabes. Et le cheikh, il dit, ils n'ont rien gagné. Et ils n'ont rien profité de ça. Au contraire, ils n'ont eu que la défaite, finalement. Les juifs sont toujours là-bas. Hein? Et ça a divisé les musulmans. Le cheikh dit, ça a divisé les musulmans. Et on a fait rentrer dans la balance du nationalisme des koufars. Parce que parmi les Arabes, il y a des koufars chrétiens et juifs. Il y a des koufars communistes. Il y a des koufars laïcs et autres. Eux, ils sont rentrés dans le nationalisme arabe. Et il dit, et on a fait sortir de la balance des musulmans qui ne sont pas arabes. Des millions de musulmans dans le monde entier qui sont musulmans, mais parce qu'ils ne sont pas arabes, on ne les a pas calculés dans la balance. Donc ça veut dire qu'on a perdu une grande force. Et donc le cheikh, il dit, à cause de ce nationalisme, on a fait rentrer des gens dans la balance qui n'ont aucun bien en eux. Et il dit, des gens que lorsqu'ils rentrent, ils ne vont nous ramener que de la perte et que de la... Hein, ils vont nous ramener que de la perdition et des échecs. Et on a exclu les musulmans parce qu'ils ne sont pas arabes. Des musulmans de d'autres origines, de d'autres pays. Et à l'époque, par exemple, de Jamal Abdel Nasser en Égypte, c'était très très fort le panarabisme à cette époque-là. Et, subhanallah, ils ont utilisé même ce slogan-là aussi à l'époque je pense que c'était à l'époque de la Première Guerre mondiale, quand les Anglais étaient contre l'Empire ottoman, ou bien est-ce que c'était à cette époque-là? À la kulli hal, ils se sont alliés avec les Arabes pour combattre les Turcs. Et le résultat, yani, ça a été que, justement, ils ont dit, écoutez, nous, on est des Arabes, il faut s'unir pour reprendre le contrôle des pays arabes pour que ce ne soit pas les Turcs qui nous dirigent parce qu'eux ne sont pas arabes. Alors qu'ils sont musulmans. Hein? À la kulli hal, tout ça pour dire, ils ont utilisé le nationalisme arabe pour diviser les musulmans. Et pas seulement le nationalisme arabe, parce qu'en même temps qu'ils étaient en train de booster le nationalisme arabe, ils étaient en train de booster le nationalisme turc aussi. Et le nationalisme panafricain. Aujourd'hui, tu trouves ça, Yanni. Les Africains, il y en a des Africains aujourd'hui qui disent, ah, nous, on ne veut rien savoir des Arabes, on est Africains, on a mieux compris l'islam que les Arabes, ils ne savent rien. Hein? Et la même chose, donc c'est en fait le but de faire ça, c'est quoi? C'est juste pour dénigrer, diviser, rabaisser. Et le shaitan, c'est lui qui souffle ça. Tu trouves par exemple en Algérie la même chose. Les Kabyles, hein, ou bien les Amazirs contre les Arabes, ils disent, ah, les Arabes, ils nous ont pas fait ci, ils ont fait ça. Hein, et ainsi de suite. Alors que les deux sont des musulmans. Donc c'est quoi l'intérêt de ramener ces choses-là? L'intérêt de ramener ces choses-là, c'est de créer la division entre les musulmans et le shaitan qui rentre dans ça pour justement diviser encore plus. Donc c'est pour cette raison-là que le nationalisme, hein, c'est clair que ça vient du shaitan, il n'y a pas de doute. Et donc de combattre pour cette raison-là, c'est inacceptable en islam. Et la deuxième expression, le cheikh il dit, واللهجه الثانيه قوم يقاتلون للوطن ونحن اذا قاتلنا من اجل الوطن لم يكن هناك فرق بيننا وبين الكافر لانه ايضا يقاتل من اجل وطنه والذي يقتل او يقتل من اجل الدفاع عن الوطن فليس بشهيد. Hein? الذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط فليس بشهيد، ولكن الواجب علينا نحن مسلمون وفي بلد إسلامي ولله الحمد، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا. انتبه للفرق، نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، فنحمي الإسلام الذي في بلادنا سواء كان في أقصى الشرق أو الغرب. فيجب أن تصحح هذه النقطة فيقال نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من أجل وطننا لأنه إسلامي، ندافع عن الإسلام الذي فيه. أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإسلام شيئا. ولا فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن. Donc ça c'est important ici, qu'est-ce que le cheikh il dit, et ça clarifie beaucoup de mauvaises conceptions ou mauvaises compréhensions de la part de certains. La deuxième expression, c'est les gens qui disent on combat pour la patrie. On combat pour la patrie, pour le pays. Et le cheikh il dit, il y a des gens comme ça qui combattent pour leur patrie. Et le cheikh il dit, nous, lorsqu'on combat pour la patrie, alors ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y aura pas de différence entre nous, les musulmans et les mécréants. Parce que les mécréants, eux aussi, ils combattent pour leur patrie. Ils combattent pour leur nation, pour leur drapeau. Donc le cheikh, il dit, celui qui est tué dans le but de défendre sa patrie ou son pays ou sa nation, alors il n'est pas shahid. Si c'est juste pour ça, alors, il n'est pas shahid, il n'est pas martyr. Il dit, mais c'est obligatoire pour nous, si on est musulman, et qu'on est dans un pays musulman, alhamdoulilah, et on demande à Allah de nous raffermir sur ça. Il dit, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour nous de combattre à cause de l'islam qui est présent dans nos pays. Et donc, le cheikh, il dit, faites attention ici à cette nuance et à cette distinction. Une différence de dire, on combat pour notre patrie, et de dire, on combat pour défendre l'islam qui est dans notre patrie ou dans notre pays. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça la différence entre les deux. Si tu combats juste pour ta patrie, pour défendre la terre, ça veut rien dire. Hein? Les koufars aussi font ça. Mais si tu combats pour défendre ton pays parce que c'est un pays musulman, et pour protéger les mosquées qui sont dedans, et pour que l'adoration d'Allah soit établie, et pour que le tawhid soit élevé, et pour que le shirk soit éliminé, et pour faire en sorte que ça reste ainsi, et pour empêcher les koufars de venir justement faire le désordre et la corruption et implanter le kufr ou le shirk dans les pays musulmans. Si c'est ça ton intention, alors là, dans ce cas-là, oui, c'est correct. Mais si c'est juste parce que c'est ton pays, c'est ta nation, tu veux protéger ta patrie, dans ce cas-là, ça veut rien dire. C'est pas islamique, ça. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, si c'est juste pour la patrie, alors c'est une intention qui est fausse. Et ça n'amène rien à l'islam. Donc, il n'y aura pas de différence dans ce cas-là pour une personne qui combat pour sa patrie juste parce que c'est sa patrie. Et le kafir qui combat pour sa patrie lui aussi. Hein? Il dit, la farq, il n'y a pas de différence entre une personne qui dit qu'elle est musulmane et celui qui est kafir, et qui combat uniquement pour sa patrie ou pour son pays. Et ça, c'est important de le comprendre comme il faut, parce que malheureusement, c'est une idée qui est propagée partout dans beaucoup de pays musulmans, même surtout à propos de ce qui s'est passé, par exemple, en Palestine. Il y a beaucoup d'Arabes parmi les musulmans qui disent, nous, on combat les Juifs, juste parce qu'ils ont pris notre terre. Pas parce que c'est des koufars, pas parce que c'est des mouchriquines, pas parce qu'ils ont combattu ou opposé Allah et son messager, non. Juste parce qu'ils ont la terre. Et même maintenant, ils sont en train de dire, non, on veut faire un État, on veut établir un État laïque, un État démocratique, dans lequel même le juif pourrait être président en Palestine. Hein? Parce que si les citoyens palestiniens, il va avoir la citoyenneté, il va avoir le droit de vote, puis il va avoir le droit de se présenter dans les élections, de faire un parti, puis de devenir président. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a établi? On n'a rien établi dans ce cas-là. Donc, ça, c'est un exemple, Yanné, comment parfois des gens, ils ont cette mentalité-là aujourd'hui, puis ils disent, nous, on veut combattre pour la terre, on veut la terre. Yanné, dans ce cas-là, ça veut dire, il n'y a pas de différence entre toi puis n'importe quel autre parmi les koufas. Même les Juifs, ils veulent la terre aussi. Hein? Est-ce que si c'était juste une question de vouloir prendre la terre, quelqu'un peut prétendre qu'il a plus de droits qu'un autre de prendre cette terre-là? Hein? C'est Allah qui donne la terre à qui il veut. Hein? Mais celui qui a le plus de droits d'habiter dans une terre ou de rester sur une terre, c'est celui qui va appliquer la religion d'Allah sur cette terre et qui va faire respecter sur cette terre la charia d'Allah. C'est ça la différence. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallam. Wa iyyakum.